Examen 2. Compréhension de l'oral. Exercice 2. Bonjour, c'est Mathieu. David et moi, nous allons au tennis demain à 15h. Si tu veux venir, rappelle-moi avant 19h ou bien appelle David sur son portable au 06 34 37 30 89. À demain, j'espère. Ciao.